Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où je suis ravie aujourd'hui de recevoir un invité atypique. Il nous vient de Belgique, il a posé ses valises à Nancy, mais n'y reste pas très souvent parce qu'il voyage beaucoup. Je suis très contente de recevoir Jérôme de Rez. Bonjour Jérôme. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci. D'accord, donc écoute, je suis ravie que tu aies répondu positivement à cette invitation. Je vais te faire un petit peu le pitch de l'émission, donc 5 questions. Une émission qui t'est totalement consacrée avec des coupures musicales que tu as pu choisir. Et tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. On va commencer tout de suite avec la première question. Donc tu as 34 ans. Oui. Tu fais plusieurs métiers en même temps. Tu es écrivain, chroniqueur, blogueur, réalisateur et photographe. Alors ma première question, c'est comment on devient tout ça à la fois ? Ben, petit à petit, en fait, je viens d'études dans le domaine des arts numériques. Donc, j'ai vraiment étudié tout ce qui était au niveau de la photo, du graphisme, de la vidéo. D'accord. J'ai mélangé un petit peu tout ça ensuite en créant un blog qui permettait justement d'allier toutes ces compétences. Et après, c'est vraiment de fil en aiguille que toutes les petites choses se sont ajoutées. D'accord, ok. Alors, moi, je t'ai découvert avec le livre 111 lieux à ne pas manquer en Lorraine. Et j'ai vu que tu avais fait deux autres livres, d'ailleurs, dont tu fais une très belle promotion sur ton site internet. Donc, il y a les 111 lieux, il y a Voyager sans surviner, très intéressant, et le Kungsleden, l'aventure d'un premier trek, un pied vers le nord. Alors, bon, à travers tous ces titres, on voit que tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, qui aime bien voyager, tu aimes bien découvrir de nouveaux horizons et te challenger. Oui. Oui, ça c'est très important. Mais comment t'es venu ce goût-là d'un seul coup de partir avec ton sac à dos et de tracer la route ? Eh bien en fait, j'avais toujours eu envie de voyager, mais j'avais cette peur de franchir le pas. Donc j'ai fait d'abord un premier voyage avec un ami à Rome. Okay. Et de fil en aiguille, après quelques voyages, je suis allé assez rapidement à Tchernobyl, dans des lieux vraiment plus insolites, ou en Transnistrie, qui est donc un territoire à l'est de la Moldavie, qui est un peu lié à la Russie, donc c'était un peu spécial aussi. Ouais. Et après, j'ai vraiment eu envie aussi de tester le voyage en solo, de juste voir si j'étais capable de le faire. Donc je suis parti, ça s'est bien passé, j'ai pu rencontrer des gens sur place, et je me suis dit, bah oui, voilà, en fait, je peux le faire. Et après ça, je suis parti vivre un an au Canada, et là, ça a été aussi un grand déclic pour poursuivre un peu toute cette aventure de voyage. Et à un moment, je me suis dit, bah, c'est bien beau d'avoir le sac à dos, mais ce serait bien aussi de pouvoir se retrouver en pleine nature. Ok. Et donc, en fait, je me dis, mais quand on voyage, quand on rentre, on pense qu'à repartir, quelque part. Oui. On est toujours en mode projet de voyage, en fait. Oui, j'avais vraiment toujours quelques idées en tête d'aventure. J'avais vraiment aussi envie de vivre à l'étranger. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai quitté la Belgique pour le Canada. Ouais. Et après cette année-là, je m'étais dit que ce serait bien aussi de continuer en fait, de différentes aventures. Et à un moment, quand je suis parti en Suède, c'est là, sur ce trek, où je me suis dit, mais j'ai envie de vivre ailleurs qu'en Belgique. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de m'installer à Nancy. Ouais, donc, tu allais te confronter à une autre culture, une autre façon de penser, la façon d'appréhender la nature. Je sais qu'en Suède, ils sont très, très. Ils ont beaucoup cette démarche-là, en fait, de protection de la nature. Ils ont un art de vivre incroyable. Et du coup, est-ce que toi, tu as ressenti ça en rencontrant des gens ou est-ce que plutôt c'était. Tu étais vraiment en mode voyage en solo, quoi. En fait, j'ai rencontré très peu de gens en Suède, vu que sur ce trek, il y avait vraiment des parties en totale autonomie pendant 5 jours. Ouais. Il y a des fois où je rencontrais juste un autre randonneur, un seul randonneur par jour. Et c'était juste un petit salut, et voilà, chacun continuait sa route. Et après, sur la fin, j'ai commencé à rencontrer plusieurs personnes qui venaient un petit peu de partout en Europe, dans des refuges, parce qu'il commençait à faire un peu trop froid pour continuer à dormir dehors. Il y avait de la neige et tout ça, donc je me suis dit, bon, j'ai passé mes dernières nuits quand même en refuge. Ouais. Je n'étais pas trop équipé pour passer tout le temps, toutes les nuits dehors. Là. Et là, donc, j'ai rencontré des gens venant un peu partout en Europe. On a pu commencer à échanger, dont des Suédois. Super sympa, c'est chouette. Alors, on va faire une première coupure musicale avec un artiste qui s'appelle Olafur Arnolds, que tu as choisi, Jérôme. Est-ce que tu peux nous en dire deux petits mots avant qu'on lance la musique ? Mais en fait, c'est un artiste islandais que j'écoute beaucoup lorsque j'écris ou lorsque j'en donne et j'aime vraiment beaucoup ses compositions. D'accord, donc on y va avec Olafur Arnolds. Thank you. say my name. Say my name, say my name. Say my name, say my name. Say my name, say my name. Any other day, I would call, you will say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a ha, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. Prove yourself to me, I'm the girl that you claim. Don't you say the things that you said to me yesterday. Say my name, say my name. Say my name, say my name. Say my name, say my name. Say my name, say my name. Say my name, say my name. When no one is around, you say, baby, I love you if you were running game. Say my name, say my name. You're acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. If no one is around you, say, baby, I love you if you were running game. Say my name, say my name. You're acting kinda shady. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture, toujours en présence de Jérôme Derez. Jérôme, est-ce que ça va jusqu'à maintenant ? Ça va très bien. Ça va très bien. Donc, on peut enchaîner avec la troisième question. Jérôme, moi, je t'ai découvert avec le livre qui est un guide, Les 111 lieux, et plus particulièrement celui qui est dédié à la Lorraine. Donc, il y a de très belles choses à découvrir, de très beaux endroits vraiment aux portes de la Lorraine, à côté de chez nous. Comment est né ce projet, Jérôme ? En fait, 111 lieux, c'est une collection d'une maison d'édition allemande, Emons. Okay. Et à un moment, ils m'ont contacté pour me faire découvrir le guide sur Bruxelles, étant belge. Ouais. Et j'ai vraiment bien apprécié l'idée de partir vers le côté insolite, de toujours trouver des petites histoires, légendes, anecdotes. Et après, j'aurais proposé donc, de travailler sur la Lorraine. Et voilà, en fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Et je suis parti. Après, j'ai fait pas mal de recherches pendant des mois pour essayer de trouver ces lieux-là en Lorraine dont on entend souvent peu parler. Et c'était pendant un an et demi des déplacements ici-là, de rencontrer plein de gens, de prendre aussi les photos, parce qu'en plus d'être auteur, je suis photographe du guide. Et voilà, vraiment. C'est la question que j'allais te poser. Tu as été voir les lieux ou la majorité de ces lieux pour pouvoir rédiger ce livre, en fait. T'as pas fait que compulser des sites, en fait. Tu y as été. Ah non, oui. L'idée vraiment avec cette collection, c'est que l'auteur se déplace et va vraiment seul des fois à la rencontre des artisans. Ouais. Ou alors si c'est des activités insolites ou des coins perdus en pleine nature, l'auteur, voilà, il va vraiment. Et c'est ça que j'appréciais aussi. Et ça a vraiment permis aussi de découvrir de nouvelles histoires que je ne soupçonnais pas. Oui, parce que dans le guide, il y a un petit encart à chaque fois pour les personnes, je fais la promo du livre, qui seraient intéressées sur à noter, comment y aller, que voir. Et je trouve ça super chouette, en fait, au-delà du développement historique du lieu. Moi, j'ai adoré ton livre, Un pied vers le nord, le Kungsleden, l'aventure d'un premier trek. Mais comment s'est construit ce projet ? Parce que quand on te lit dans ce livre, c'est avant tout une histoire personnelle. Tu veux aller au-delà de toi. Ça, c'est le sentiment que ça m'a donné. C'est peut-être pas aussi fort que ça, mais j'aimerais bien que tu nous dises un peu. Tu l'as vécu comme un voyage, seul, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'avais vraiment l'impression, en te lisant, que tu t'es lancé un défi, un objectif, un truc vraiment à atteindre. Donc, pourquoi, en fait, le Kungsleden et quel objectif ? Qu'est-ce que tu avais besoin de te prouver, en fait, que tu pouvais faire ? En fait, je suis né avec un pied bot. Ok. Et donc, j'ai jamais vraiment accepté, même si ça me permet de marcher. Voilà, j'ai été opéré quand j'étais bébé. Ok. Et donc, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Ok. Et je me suis dit, en fait, à un moment, j'ai découvert cette passion pour la marche. Donc, quand j'étais chez moi en Belgique, je suis allé sur plein de Ravel, donc c'est l'équivalent des voies vertes. D'accord. Et j'ai commencé à me lancer des défis de marcher. Genre, durant 4 jours, 25 km, puis marcher 45 km en une seule journée, etc. Et voir vraiment mes limites. Et j'ai remarqué qu'il y a certains trucs que je ne pouvais vraiment pas faire. Ouais. Genre 45 km en une journée, j'ai boité pendant 3 jours. Là, j'ai compris que la limite, elle était bien dépassée. Et donc, comme ça, en fait, j'ai pu voir ce dont j'étais capable. Et après, j'avais toujours cette petite idée en tête, sans en parler, de faire un jour un trek, mais pas un trek... En Belgique ou en France, où j'ai rencontré beaucoup de monde, je voulais vraiment être seul en pleine nature. Et c'est pour ça qu'au fil de mes recherches, le Conxledon est apparu. Et je me suis dit, voilà, c'est ça en fait. Oui, ça t'est venu. C'était ça et pas autre chose en fait. Oui. Ok. Et il y a beaucoup de personnes, est-ce que tu as croisé, tout à l'heure tu disais que tu avais croisé un peu de monde sur la fin, qui elles étaient un peu dans la même démarche que toi, c'est-à-dire tout le côté introspection dans la marche, découverte du paysage. Est-ce que les personnes que tu as croisées, c'était ça ou c'était plutôt un truc plutôt touristique, on va dire ? Qu'est-ce que, voilà, est-ce que tu as... C'était quoi tes impressions, en fait ? En fait, c'est un peu deux choses. Il y a vraiment la partie nord du trek, qui est la plus réputée. Et donc, la plupart des gens ne vont faire que la partie nord, qui fait environ 100 km, et vont s'arrêter à ça. Donc ça, c'est la partie touristique, voilà, pure. C'est par ça que j'ai terminé. D'accord. Et vraiment, après, il y en a d'autres qui vont faire la totalité du trek. Et donc, je vais me retrouver un peu plus dans la philosophie de ces personnes-là. Mais après, il faut aussi pouvoir choisir la saison. En fait, on peut y aller entre juin et septembre, mais il y a des moments où il peut y avoir beaucoup plus de monde, surtout en juillet et au mois d'août. Ouais. Et donc, je suis vraiment parti à la fin août jusqu'en septembre. Bon, après, comme la plupart des gens le font du nord au sud, j'ai voulu faire du sud au nord pour vraiment tout inverser finalement. Mmh. Ouais. Et là, mais plus je m'approchais du mois d'octobre, plus il faisait froid, plus il y avait de la neige. Ouais. Et donc, c'était les jours raccourcissent ça. Beaucoup. Je me suis demandé si j'avais vraiment bien fait. Et bon, je suis quand même arrivé au bout, donc tout va bien. Ouais, ok. Alors, justement, tu fais ce voyage, que je trouve ça voilà, vraiment sublime. Tu décides d'en faire un livre que tu as fait, que tu as écrit. Est-ce que tu as d'autres projets maintenant que tu as posé tes valises ? Il y a 3 ans maintenant, c'est ça ? Voilà, presque 3 ans. Est-ce que tu as d'autres projets de voyage, d'écriture ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, pour l'instant, en fait, je travaille sur un second guide pour la collection 111 lieux qui sera 111 en Wallonie. Donc, c'est ma région d'origine en Belgique. Ouais. Et donc, je suis dans la phase de rédaction et ça sortira au printemps prochain. Et après, au niveau voyage, je n'ai pas encore quoi que ce soit de vraiment prévu. Mais après, je réfléchis peut-être à repartir un moment sur un trek ou l'autre. Je ne sais pas encore, en fait. Ok, ça marche. On va faire une deuxième coupure musicale avec un auteur que tu as choisi qui s'appelle Nick Cave. Oui. Tu nous en dis un peu plus ? En fait, c'est le compositeur du film La Panthère des Neiges. J'étais allé voir ce film-là au cinéma. En fait, déjà, les images sont sublimes et les musiques emmènent vraiment le spectateur dans cet univers. Ok, donc on écoute tout de suite Nick Cave. Traveled a lot. before their eyes I was there. Prise de lecture sur Fadjet. De retour avec Jérôme de Rez dans cette émission de Caprice de lecture dédiée exclusivement au voyage. Et Jérôme va nous présenter son caprice. Vas-y Jérôme, on t'écoute. Récemment, en fait, j'ai lu le livre Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Ça a été écrit par Alexandra David-Nil. Et c'est une voyageuse qui donc a réalisé cette aventure en 1924. Et pour la première fois, c'est une femme étrangère qui a réussi à entrer dans Lhasa, donc la capitale interdite du Tibet. Et pendant 8 mois, elle a vraiment essayé d'atteindre ce but. Et forcément, pour une étrangère, en plus une femme à cette époque, c'était vraiment toute une aventure. Ok, donc là, c'est raconté sous forme de récit. Oui. Tu peux nous rappeler dans quelle collection il est ? C'est chez Pocket. Chez Pocket, donc Alexandra David-Nil pour Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Merci Jérôme de ta présence dans cette émission. Merci. C'est un vrai bonheur, on a voyagé pendant une petite demi-heure. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouvelles lectures. À bientôt, au revoir.